ne sais pas la route, je ne sais pas le chemin, mais je garde mes doutes jusqu'au plus petit matin, dans le creux de mes mains. Ma conscience s'ajoute à mes désirs, mes chagrins, mes plus belles déroutes, mon plus subtil instinct. Tout me paraît plus vain. Rien de ici, idem. Imagine un dixième de ma peine. Rien de ici, idem. Jamais plus de si cruel dilemme. Rien de ici, idem. Des centaines et des centaines de diadèmes. Leurs paroles qui envoûtent, des démons qui m'assaillent, du courage qu'on goûte, plus rien que je redoute.